Bonjour et bienvenue dans la huitième séquence du cours sur l'économie du web. Maintenant que nous disposons de toutes les bases nécessaires, nous pouvons entrer directement dans le cœur de notre sujet, l'économie du web donc. Nous prendrons deux séances pleines pour le développer et en discuter. Dans celle-ci, nous aborderons le débat sur la valorisation du travail de l'internaute qui sous-tend l'économie du web et fait aussi son ambiguïté. L'internaute est-il un travailleur exploité ou un consommateur comblé? Nous savons maintenant que toute production de services est une coproduction entre le producteur et le consommateur. Il y a là peut-être une piste de réponse, mais je vous laisse en débattre, d'autant que vous avez aussi, comme pour les séquences précédentes, des billets d'étudiants à commenter. Au plaisir donc de vous lire et d'en débattre avec vous.